السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Un court rappel avant d'entamer la lecture de Sahih al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, écrit par l'imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: nous avons certes enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Fataqwa Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, est la plus grande recommandation qui a été faite aux générations anciennes et aux générations contemporaines. C'est la recommandation d'Allah tabaraka wa ta'ala au premier et au dernier. Et ceci est un ordre qui a été adressé à l'ensemble des croyants, en commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur imam. Dans sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuhan nabi, ittaqillah. Ô toi prophète, crains Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également: Wattaquni, et craignez-moi. Il nous dit également: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir comme qu'en pleine soumission. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala est également la recommandation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ittaqillah haythuma kunt. وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne cette recommandation aux compagnons et à l'ensemble de la communauté: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action de la bonne, elle l'effacera, et comporte-toi avec les gens selon le bon comportement. Et pour savoir si on se conforme à l'ordre d'Allah, à sa grande recommandation, à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, à sa grande recommandation, il faut savoir ce qu'est at-taqwa. Fama hiya hadhi taqwa. Quel est donc cet ordre, cette grande recommandation? At-taqwa se compose de deux parties. La première partie, ce sont des actes à faire survenir, et la seconde partie, des actes à délaisser. La première partie, on fait, la deuxième partie, on délaisse. Quant à la première partie, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala avec science, en espérant sa récompense. La deuxième partie, c'est de s'éloigner de sa désobéissance avec science, en redoutant, en craignant sa colère. Talq ibn Habib, rahimahullah, un des pieux prédécesseurs, a défini at-taqwa. Et certains savants disent que c'était la meilleure définition de la piété. Il a dit: taqwa Allah an ta'mala bi ta'ati Allah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah 'ala nurin min Allah khifata 'adhab Allah. Donc la piété se compose de ces deux parties. La piété se compose de ces deux parties. Et celui qui cherche la science se doit de se parer du meilleur vêtement, de la plus belle des parures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, Walibasu taqwa dhalika khayr. Et de la piété découlera tout le bien pour le croyant, dans ce bas monde, dans sa tombe et dans l'au-delà. Et taqwa, avec cela, tu auras l'acceptation des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dans son livre, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Allah n'accepte que des pieux. Avec la piété, tu obtiendras les meilleures provisions pour ce bas monde et pour l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Et prenez vos provisions. Et certes, la meilleure provision est la piété. La meilleure provision est la piété. Et pour les gens de la piété, la meilleure des finalités, le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Certes, les pieux seront dans les paradis, dans les jardins et les ruisseaux. Donc, avec la piété, tu obtiendras tout le bien. Et la piété est la clé de la science, le signe de sa bénédiction. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il vous accordera le discernement, la science par laquelle tu vas pouvoir distinguer la vérité du faux, le bien du mal, la lumière des ténèbres. Et Talq ibn Habib, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a donné cette définition, ce fut dans une situation très particulière. C'est qu'à l'époque, comme le rapporte Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, dans son livre Az-Zuhd, ainsi qu'Ibn Abi Shaybah dans Al-Musannaf, ainsi qu'Abu Nu'aym dans Al-Hilya, et autres, avec une chaîne authentique qui remonte jusqu'à Bakr ibn Abdillah, Al-Muzani rahimahullah ta'ala, lorsqu'il y a eu la fitna d'Ibn al-Ash'ath, qui s'était rebellé contre les dirigeants, contre les gouverneurs, il y a eu beaucoup de désordre et beaucoup de mal, car il n'est pas permis de se rebeller contre le dirigeant du pays. La croyance des gens de la Sunna est plutôt de dire qu'il est obligatoire d'écouter et d'obéir aux dirigeants. Ceci est une croyance, ceci est une obligation. Naam, la voix des gens de la Sunna. Espérer le bien, invoquer en leur faveur, les écouter, leur obéir, car c'est l'ordre d'Allah dans le Coran, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Lorsqu'il y a eu ces troubles en Irak, les gens sont venus voir les gens de science et ils ont dit, que devons-nous faire? Et là, on leur a répondu, ittaquha bittaqwa. Préservez-vous de ces troubles avec un taqwa. Naam. Et dans une autre version, atfihuha. Atfihuha. Éteignez-la. Ces troubles-là, éteignez-les. Bittaqwa, avec la piété. Puis, ils lui ont dit, siflana taqwa. Décris-nous, qu'est-ce que taqwa? Et là, il leur a dit, amalun bita'atillah. Ala nuri min Allah. Tarju thawab Allah. Wa tarku ma'siyati Allah ala nuri min Allah. Takhafu iqab Allah. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala a commenté cette définition et en a fait grandement ses éloges en disant Hadha ahsanu ma qila fi taqwa. Cette définition est la meilleure qui fut proposée pour définir la piété. Et l'imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, dans la biographie de Talq ibn Habib, na'am, a également commenté cette définition en disant Abda'a wa awjaz. Il s'est parfaitement exprimé avec excellence, bien que sa définition est courte. Fala taqwa illa bi'amal. Car il n'y a pas de piété si ce n'est avec des actions. Na'am. Et tu ne peux pas agir en conformité si ce n'est bil'ilm, avec la science. Et tu ne peux être sur la vérité si ce n'est avec l'ittiba, avec le suivi. Na'am. Et tu ne pourras tirer profit de tout cela si ce n'est avec l'ikhlas. Ibn Kathir également a mentionné cette définition dans son exégèse du Coran, dans le surat al-Baqarah, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit « Fattakuni ya ulil albab ». Dans ce passage-là, il a mentionné cette définition. Donc on doit bien comprendre ce qu'est la taqwa, la piété, pour espérer faire partie des gens pieux. Et taqwa, c'est du amal, c'est de l'action. Ça n'est pas espérer seulement sans agir et de fausses illusions. Non, ce sont des actions, que ce soit les actions du cœur, que ce soit les actions de la langue, les actions des membres. Naam. Et c'est l'obéissance d'Allah, que ce soit les actes obligatoires, que ce soit les actes recommandés. Et la plus grande obligation, la plus grande chose qu'Allah nous ait ordonnée, c'est le tawhid. C'est adorer Allah Azza wa Jal seul dans quelque sincère. Puis le suivi du prophète, alayhi salatu wa salam, puis la prière obligatoire, puis la zakat, puis le jeûne de Ramadan, puis le hajj. Et ainsi de suite. Tout cela est l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Mais pour savoir quelles sont les choses qu'il faut faire, il faut la science. Ala nourin min Allah, c'est la science. Naam. Allah nous dit en Coran, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Une lumière, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit l'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala. Par lui, Allah azza wa jalla a illuminé le chemin. Donc la science, na'am, passe avant la parole et les actions. Comme Allah nous le dit dans le Coran, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. Sache que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, et demande pardon pour tes péchés. Donc, c'est agir dans l'obéissance d'Allah. Quel est l'état du cœur qui se lève lorsque tu agis, lorsque tu obéis à Allah? تَرْجُو ثَوَابَ اللَّهِ. Tu espères la récompense d'Allah. Là, on attire l'attention sur quoi? Ikhlas sur l'amal, sur la sincérité, sur le fait de faire que pour Allah, uniquement à la recherche de l'agrément d'Allah, de la récompense d'Allah. Allah nous dit dans son livre, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat. Voici la religion de la droiture. La deuxième partie, nous avons dit délaisser la désobéissance d'Allah. Tarku ma'asiyatillah. La première partie, agir, faire. La deuxième partie, le délaissement. Le délaissement. Délaisser la désobéissance d'Allah. Et la pire des désobéissances, la plus grande qu'Allah nous ait interdit, c'est shirku billah. C'est le polythéisme. C'est le fait d'adorer autre qu'Allah et de donner un égal à Allah Azza wa Jal dans ce qui lui revient de droit. Ensuite, al-bid'a. Ensuite, al-kaba'ir ou al-fusuq. Et ainsi de suite. Et lorsque tu délaisses le péché, c'est pas pour recevoir des éloges. C'est pas parce que, tu crains simplement le regard des gens. Non, plus que cela. Tu délaisses le péché pour Allah. Tu délaisses le péché parce que tu as peur d'Allah. Tu délaisses le péché parce que tu sais qu'Allah te voit, Allah t'entend et il te jugera. Et parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azzawajal le jour de la résurrection, sept catégories de personnes, Allah les plongera dans son ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône, Zillul Arsh, le jour où il n'y aura d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Parmi ces catégories-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, fa qala inni akhafu Allah. Un homme qu'une femme de haut rang, de noblesse, de beauté, a invité au péché. Et il y répond: J'ai peur d'Allah. Pourquoi est-ce qu'il a délaissé le péché? Parce qu'il a peur d'Allah. Il délaisse le péché avec science parce qu'il craint Allah. Ça, c'est la piété. Donc voici une grande recommandation du Coran. Voici une grande recommandation de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à la comprendre, de nous aider à l'assimiler et de nous aider à l'appliquer. Wala hawla wala quwwata illa billah. Pour transition, et fait partie de la piété, husnul khuluq, fait partie de la piété, le bon comportement. Et on a lu jusqu'à présent de nombreux chapitres. Donc chacun doit regarder en lui sa foi, chacun doit regarder en lui l'application qu'il en a eue. On a commencé par les chapitres sur Birrul Walidayn. Naam, wassayna l'insana. On a mentionné les magnifiques ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus en droit à la bonne compagnie, la mère. On a mentionné le père. On a mentionné la douceur envers les parents. On a mentionné la grande récompense. Puis on a mentionné le contraire. La gravité, la dangerosité de désobéir aux parents et d'être mauvais envers ses parents. On a montré la gravité de maudire ses parents. Naam. On a montré que c'est une grande cause, le fait d'être bien envers ses deux parents ou l'un des deux pour entrer au paradis. Naam. Et même le comportement avec les parents lorsqu'ils ne sont pas musulmans. Puis, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné les chapitres sur Silatul Rahim, les liens de parenté. Naam, l'importance des liens de parenté et les grands mérites et les grandes récompenses de ceux qui lient les liens de parenté, comme le fait que ça allonge la vie et ça la bénit, comme le fait que ça enrichit la personne et que dans les liens de parenté, elle doit commencer par du plus proche, naam, au moins proche. Puis on a montré la gravité de rompre les liens de parenté, la dangerosité et le péché colossal de celui qui ne parle plus à son frère ou à sa sœur ou à ses parents ou et ainsi de suite, ou à son oncle ou à sa tante. Aussi, on a montré que même si les proches, eux, ne liaient pas les liens, nous, on se devait de les lier, car celui qui lie vraiment les liens de parenté n'est pas celui qui répond seulement au bien par le bien, mais celui qui le devance, qui le précède, parce qu'il fait pour Allah Azzawajal. Puis, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a parlé d'un autre bon comportement qui est le mérite de prendre soin de deux filles ou d'une seule. Puis, le mérite de prendre soin de ses sœurs, de trois sœurs. Na'am. Puis, d'enfants de manière générale et la douceur envers eux, le fait de les porter sur les épaules, le fait de les embrasser, et le fait que les enfants sont la prunelle des yeux. Par la suite, on a vu la grande miséricorde qui habitait le cœur de la femme envers les enfants. Et que ça n'est qu'une petite part de la miséricorde qu'Allah Azzawajal a mis sur terre. Il en a gardé 99 parts auprès de lui. Un troisième ou quatrième volet dans ces cours, nous sommes passés à haqqul jar, naam, à la bienfaisance et à la considération, à la valorisation du voisin. Car le prophète sallam nous a recommandé le voisin, nous a fait des bonnes recommandations à l'égard du voisin, à un point tel qu'il a dit, j'ai failli penser que Djibril allait lui donner. Yani Djibril n'a cessé de faire des recommandations pour le voisin, à un point tel que j'ai pensé qu'il allait lui donner le droit à l'héritage. Mazala Djibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Puis on a vu que de nuire au voisin est bien pire que de nuire à autrui, que ce soit dans le fait de nuire à son honneur, à ses biens, à son intégrité ou dans son dérangement. Et dans la bienfaisance, on a également étudié qu'il fallait commencer par le voisin, le plus proche qui est à la porte là, la plus proche, et qu'il était grave de fermer sa porte sur le voisin lorsqu'il est dans le besoin et nous dans l'aisance. Par la suite, on a vu qui était le meilleur voisin et qui était le pire des voisins. Après tout cela, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous a parlé du karam, de la noblesse. Naam, la personne qui réunit sur lui beaucoup de qualités. Naam, beaucoup de qualités. Puis, nous sommes entrés dans le chapitre bouleversant des orphelins. Et le mérite de prendre soin et en charge les orphelins. Et nous sommes arrêtés sur le chapitre Kun lil yatim kal abir rahim. Sois avec l'orphelin tel un père très miséricordieux. Il y a le athar, ou plutôt le chapitre suivant, Babu Adabil Yatim. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit Babu Adabil Yatim, chapitre l'éducation de l'orphelin. An Shumaysa al-Atakiyya qalat dhukira adabu al-yatim 'inda 'Aisha radiyallahu 'anha fa qalat inni la adribu al-yatima hatta yanbasit. Selon Shumaysa al-Ataqiyya a dit on éduqua l'éducation de l'orphelin auprès de Aïcha, qui dit je l'éduque jusqu'à ce qu'il s'adoucisse. C'est-à-dire qu'Aïcha radiallahu anha nous dit ici qu'elle prend soin de l'orphelin. Et elle éduque l'orphelin, elle rappelle, elle enseigne à l'orphelin. Et si jamais l'orphelin n'obéit pas, elle le traite comme elle traiterait son enfant. Elle le traite comme elle traiterait son enfant. C'est-à-dire, s'il y a besoin de rigueur et de sévérité, malgré la miséricorde, naam, cela ne l'empêchera pas de le faire, jusqu'à ce qu'il revienne à la droiture. Jusqu'à ce qu'il revienne à la droiture. Il convient aux parents d'utiliser la sagesse. D'utiliser la sagesse. La base, c'est la douceur, certes. Naam. Mais par moment, c'est la sévérité, c'est la punition. Naam. C'est la rigueur. Et ça n'en fait pas des parents moins aimants. Au contraire. Naam. Il ne laisse pas son enfant dans l'erreur. Il le corrige. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Parce qu'il veut qu'il devienne meilleur, parce qu'il veut qu'il se corrige, qu'il s'améliore, qu'il se réforme, qu'il observe le chemin droit. Naam, qu'il observe le chemin droit. Mais quoi qu'il en soit, on ne sort pas de la case miséricorde. Quoi qu'il en soit, on ne sort pas de la case miséricorde. Donc, Lorsque tu éduques l'orphelin, tu te dois de le traiter comme tes enfants. Et mieux que cela, sois avec l'orphelin, comme a dit Ibn Sa'di, comme tu aimerais qu'on soit avec tes propres enfants après ta mort. Kun lil yatim kama tuhibbu. Yani isna' lil yatim kama tuhibbu yusna'a. Bi-awladika ba'da mawtik. Ça, c'est une parole azima. Ça, c'est une parole immense. Subhanallah. Sois avec l'orphelin comme tu aimerais qu'on soit avec tes enfants après ta mort. Le père travaille. Le père endure. Le père supporte. Le père invoque. Le père ne se lasse pas. Il répète. Il ressasse. Et il sait que c'est difficile. Et il sait que le chemin est long, mais il le fait parce qu'il est responsable. Il le fait parce qu'il est aimant. Il le fait parce qu'il est miséricordieux. Il le fait, naam, pour de multiples raisons. Mais si ça n'est pas son enfant, il se lassera. Si ça n'est pas son enfant, il abandonnera. Si ça n'est pas son enfant, il se détournera de la responsabilité. Naam. Mais en pensant que lui est amené à partir et que ses enfants potentiellement peuvent se retrouver dans cette situation. Là, sa miséricorde se décuplera. Et il se comportera comme il aimerait qu'on se comporte, naam, envers ses propres enfants. Envers ses propres enfants. Barakallah fekoum. Et ici, une remarque, c'est que certains frappent leurs enfants, naam, comme lorsqu'ils se, yani comme s'ils se battaient avec un adulte. Comme s'ils se battaient avec un adulte. Ça n'est plus de l'éducation, mais il le bat. Ça n'est plus de l'orientation, mais c'est de la violence. Naam, c'est de la violence. Certains même fracturent. Naam, leurs enfants se retrouvent à l'hôpital. Et la cause, c'est quoi? C'est les propres parents. Ceux qui ont l'obligation de préserver leurs enfants, ce sont eux-mêmes qui envoient leurs enfants à l'hôpital, ou al-iyadhu billah, où ils giflent leurs enfants. Et le prophète sallam a interdit, naam, a interdit de gifler l'individu. A interdit de gifler l'individu, a interdit de gifler l'enfant. Or, c'est le réflexe de beaucoup de gens qui lèvent la main. C'est de viser le visage. C'est de viser le visage. Et cela est haram. Cela est interdit. Et souvent, c'est dû au fait que la personne ne se maîtrise pas. Et qu'elle manque d'endurance. Et que sa colère prend le dessus. Naam. Et comme ils disent, j'ai craqué. Comme ils disent, j'ai craqué. La personne qui craque est la personne qui ne s'entraîne pas, est la personne qui n'avance pas, ou la personne qui n'étudie pas, ou qui a peu de rappels. Naam, elle est donc sujette à ses passions. Elle est donc sujette à ne pas se contrôler, se maîtriser. Ça commence avec des mauvaises paroles. Naam, à l'image des mères qui méprisent leurs enfants, les dévalorise. Cela est très nocif dans l'éducation de l'enfant parce que ça l'emmène à se dévaloriser lui-même, ça l'emmène à avoir très peu d'assurance, ça l'emmène à se voir nul dans tous les domaines. Donc, malgré ses capacités, ses compétences, il sera toujours derrière les autres. Il sera toujours faible. Pourquoi? Parce que depuis sa tendre enfance, on lui a répété, tu comprends rien, tu es nul. Mais c'est quoi ces enfants? Mais ceci, mais cela. Mais vous comprenez rien ou quoi? Et ce genre de paroles. Ça fait 10 fois que je t'explique. Tu comprends rien, tu retiens rien. Vous voyez ce genre de paroles? Tu es bon à rien, tu réussiras à rien. Mais regarde un tel, mais regarde une telle. Ce sont des mauvaises paroles. Ce n'est pas ainsi que tu vas élever l'enfant. Non. S'il fait une chose qui est bien, valorise-le. Masha'Allah, ça c'est mon fils. Masha'Allah, ça c'est ma fille. Naam, Allahumma barik, je vois qu'Allah t'a donné de la facilité dans cela. C'est grâce à qui? C'est grâce à Allah. C'est grâce à qui? Tu l'éduques comme ça. Et lorsqu'il n'y arrive pas, tu lui dis concentre-toi plus, révise plus, réfléchis, prends du recul et tu l'aides. Et lorsqu'il réussit un peu, tu l'exagères sur la félicitation, dans les félicitations. Tu sais bien, tu vois, continue, tu vas réussir. Moi aussi, j'avais des difficultés, mais à force de demander à Allah, puis de persévérance, j'ai réussi. Naam. Et s'il réussit pas, dis-lui, khair, inshallah, ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, demain, tu vas le comprendre. Il faut pas rattacher la compréhension d'un devoir de cours de l'école au paradis. Parler d'un cours comme si s'il échoue ou il a une mauvaise note, il a échoué le paradis. Subhanallah. Non. Et ces parents-là, en général, ne sont pas comme ça pour les adorations. C'est encore plus triste parce qu'ils ne sont pas comme ça pour la piété, pour le bon comportement, pour Subhanallah. Non. Donc, il faut faire attention à ne pas dévaloriser l'enfant et ne pas briser son intérieur. Au contraire, valorisez vos enfants. Naam. Quant à leurs qualités, développez-les. Félicitez-les. Et quant à leurs défauts, il faut les corriger, il faut les aider. Quant à leurs imperfections intellectuelles, comportementales et ainsi de suite, il faut les aider. Naam. Il faut les aider. Et parfois, c'est le parent qui a la mauvaise pédagogie en plus, subhanallah. C'est pas l'enfant qui comprend mal, c'est le parent qui explique mal. C'est le parent qui n'est pas fait pour telle matière ou tel domaine. Il n'a pas l'endurance, il n'a pas la patience. Il faut le reconnaître. Il faut dire, je ne suis pas apte à cela. Je vais me former, je vais faire des efforts. Et la base, c'est que la mère, elle éduque les enfants. La mère, elle éduque, elle enseigne à ses enfants. Ça, c'est la base. Mais si elle n'y arrive pas, à ce moment-là, elle cède de ses proches. Le père, lui, a le rôle du contrôle, de la surveillance. Mais si elle n'y arrive pas, elle demande au père. Et s'il n'y arrive pas, il n'y a pas de mal à chercher de l'aide autour et demander de l'aide. D'engager des professionnels. Barakallahu fikum. Donc, que chacun se remette en question dans ce grand chapitre. N'insultez pas les enfants. Ne battez pas les enfants. Mais faites tout ce qui est bon pour eux pour qu'ils observent la droiture en commençant par Ad-Dua. Puis, l'exemplarité. Et petit à petit, on se rapprochera de la rigueur. Mais ce n'est pas le premier remède. Ça n'est pas le premier remède. Barakallahu fikoum. Une des grandes causes, c'est la colère. Il faut apprendre à se contrôler. Il faut apprendre le hadith prosallam. La tarvab. Ne te mets pas en colère. Éloigne-toi des causes qui t'amènent à la colère. Et si tu te retrouves en colère, dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Puis éloigne-toi et contredis tout ce vers quoi te pousse le shaitan. Naam, tout ce vers quoi te pousse le shaitan. Fais du dhikr, humilie-toi, rabaisse-toi, délaisse la polémique et ainsi de suite. Barakallahu fikoum. Le chapitre suivant, Babu fadli man mata lahu al-walad. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, cite un autre chapitre. Le mérite de celui qui a perdu un enfant. Le mérite de celui dont l'enfant décède. On laisse ce grand chapitre pour la semaine prochaine, insha'Allah ta'ala. Et ce dimanche, je ne pourrai pas faire cours. Ce dimanche, voyageant, je ne pourrai pas faire cours. Sinon, rien ne m'est plus aimé que ces assises de science. Alhamdulillah Azza wa Jal, à apprendre à bien se comporter, à apprendre à se corriger et à dispenser ces nobles conseils du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, vendredi, la semaine prochaine. L'heure aura changé. Donc, le cours sera désormais plutôt à 21h. Non, le cours sera plutôt à 21h. On essaiera à 21h la semaine prochaine. Puis, si on peut faire plus tôt, on le fera. Puis, si on peut faire plus tôt, on le fera, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.